Juges chapitre 3. Or ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient point eu connaissance de toutes les guerres de Canaan, afin qu'au moins les générations des enfants d'Israël sussent et apprissent ce que c'est que la guerre, au moins ceux qui auparavant n'en avaient rien connu ces nations, donc furent les cinq gouvernements des Philistins. Et tous les Cananéens, les Sidoniens, et les Éviens, qui habitaient en la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath ces nations, dis-je, servirent à éprouver Israël, pour voir s'ils obéiraient aux commandements de l'Éternel, lesquels il avait donnés à leur père par le moyen de Moïse. Ainsi les enfants d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, et les Jébusiens. Et ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs filles à leurs fils, et servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent donc ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et servirent les Baalins, et les bocages. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit en la main de Cusan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis à Cusan-Rishathaïm 8 ans. Puis les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, savoir Othniel, fils de Kéna, frère Piné de Caleb. Et l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et sortit en bataille, et l'Éternel livra entre ses mains Cusan-Rishathaïm, roi d'Aram, et sa main fut fortifiée contre Cusan-Rishathaïm. Et le pays fut en repos 40 ans. Puis Othniel, fils de Kéna, mourut. Et les enfants d'Israël se mirent encore à faire, ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Eglon assembla auprès de lui les enfants d'Ammon et d'Amalek, et il alla, et frappa Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmes. Et les enfants d'Israël furent asservis à Eglon, roi de Moab, 18 ans. Puis les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, savoir Ehu, fils de Guéra Benjamite, duquel la main droite était serrée. Et les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Or Ehu s'était fait une épée à deux tranchants, de la longueur d'une coudée, qu'il avait ceinte sous ses vêtements sur sa cuisse droite. Et il présenta le don à Eglon, roi de Moab, et Eglon était un homme fort gras. Or il arriva que quand il eut achevé de présenter le don, il reconduisit le peuple qui avait apporté le don. Mais Ehu s'en étant retourné depuis les carrières de pierre, qui étaient vers Gilgal, il dit, « Ô roi, j'ai à te dire quelque chose en secret. » Et il lui répondit, « Tais-toi, » et tous ceux qui étaient auprès de lui, sortirent de là. Et Ehu s'approchant de lui, qui était assis seul dans sa chambre d'été, il lui dit, « J'ai un mot à te dire de la part de Dieu. » Alors le roi se leva du trône. Et Ehu avançant ses mains gauches, prit l'épée de dessus sa cuisse droite, et la lui enfonça dans le ventre, et la poignée entra après la lame, et la graisse serra tellement la lame, qu'il ne pouvait tirer l'épée du ventre, et il en sortit de la fiente. Après cela Ehu sortit par le porche, fermant après soi les portes de la chambre, laquelle il ferma à la clé. Ainsi il sortit, et les serviteurs d'Eglon vinrent, et regardèrent, et voilà, les portes de la chambre étaient fermées à la clé, et ils dirent, sans doute il est à ses affaires dans sa chambre d'été. Et ils attendirent tant qu'ils en furent honteux, et voyant qu'ils n'ouvraient point les portes de la chambre, ils prirent la clé, et l'ouvrirent, et voici, leur seigneur était étendu mort à terre. Mais Ehu échappa tandis qu'il s'amusait, et passait les carrières de pierre, et se sauva à Séra. Et quand il y fut entré, il sonna de la trompette dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël descendirent avec lui en la montagne, et il marchait devant eux. Et il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites vos ennemis. » Ainsi ils descendirent après lui, et se saisissant des passages du Jourdain contre les Moabites, ils ne laissèrent passer personne. Et en ce temps-là ils frappèrent des Moabites environ 10 000 hommes, tous en bon état, et tout vaillants, et il n'en échappa aucun. En ce jour-là donc Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos 80 ans. Et après lui fut en sa place Sangar, fils d'Anath, qui frappa 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf, et qui délivra Israël.